Chapitre 63. Il était 21h50 quand elle trouva l'adresse dans l'ancien quartier des Carmes. Rue de la Dalbade. Samira franchit un premier porche, traversa une cour étroite, profonde et pavée, s'engagea sous un deuxième porche qui s'enfonçait tel un tunnel sous un édifice ancien et débouchait dans une seconde cour au pavé rond et irrégulier. C'était visiblement un vieil hôtel particulier, comme il en existait quelques-uns dans la ville, aménagés en appartements ou en locaux administratifs. « La porte au fond de la deuxième cour à gauche », lui avait dit Ronan Lefeuvre. Le jour déclinait et l'ombre buvait les façades. Deux fenêtres éclairées en tout et pour tout. Une grande partie de ces vieux bâtiments était peut-être reconvertie en bureaux qui se vidaient la nuit venue. Il faisait déjà sombre au fond de la cour, même si le ciel au-dessus des toits restait assez clair. Tout à coup, au milieu de cette cour, elle se sentit loin de la ville. Il régnait ici un calme, une quiétude remarquable. Elle alla jusqu'à la petite porte vitrée au fond à gauche, dans l'angle du bâtiment. Tapa le code qu'il lui avait donné. Un grand vestibule faiblement éclairé au-delà. Une rangée de boîtes aux lettres, des murs gris. Elle constata qu'il n'y avait pas d'ascenseur. Seul un escalier à rampe de cuivre grimpait vers les étages après les boîtes aux lettres. Cela sentait l'humidité et les édifices inoccupés. Elle leva les yeux vers la cage d'escalier aussi obscure que le hall. Elle avait pourtant enclenché la minuterie. C'était un endroit lugubre et elle se dit que Ronan Lefeuvre ne devait pas recevoir beaucoup de visites. Elle n'entendait pas le moindre bruit descendant des étages comme si le bâtiment était désert. Elle commença à grimper. La faible lueur des plafonniers au premier et au deuxième éclairait à peine les marches. Au troisième et dernier étage, l'ampoule était HS. Rampe branlante, marche grinçante. Elle monta les dernières dans l'obscurité, s'avança sur les trois paliers enténébrés. Une seule porte. Elle cogna, écouta. Elle se demanda si Lefeuvre n'était pas le seul occupant de l'immeuble. Elle avait vu une seconde fenêtre éclairée dans la cour, mais de l'autre côté. Un flot de lumière illumina le palier quand la porte s'ouvrit. La silhouette de l'étudiant s'encadra sur le seuil, remplissant l'espace. « Salut, » dit-il. La voix était calme, le regard qu'elle devinait dans l'ombre dépourvu d'affect. Elle lui tendit la bouteille qu'elle avait apportée, un Côte-du-Rhône à 10,50 € recommandé par son caviste. Elle n'y connaissait rien en vin, elle avait tablé sur le fait que Ronan Lefeuvre était sans doute lui-même plus intéressé par les mangas et les films d'horreur que par les grands crus qu'il n'avait de toute façon pas les moyens de s'offrir. Elle avait passé un débardeur blanc, largement échancré, sur sa gorge bronzée, et avait un peu forcé sur le mascara noir et le rouge à lèvres, en tout cas juste assez pour lui donner l'impression qu'il avait devant lui le coup du siècle. « Petite enfoirée, tu ne sais pas ce qui t'attend. » Elle portait un pantalon en vinyle rouge et des cuissardes pleines de boucles. Il s'effaça en souriant, et Samira entra. Le petit studio sous les toits était aménagé avec soin. À droite, un canapé-lit, une table basse sur un tapis à poils longs, des étagères pleines de livres, de Blu-ray et de bibelots, un frigo et un micro-ondes derrière le comptoir de la cuisine américaine à gauche, un minuscule bureau dans le fond, sous la fenêtre, donnant sur la cour, qui supportait un ordinateur et des livres, pas plus de 15 mètres carrés en tout, et des affiches de cinéma partout. Elle couvrait presque intégralement les murs, comme un papier peint plein de couleurs criardes, pas n'importe quelles affiches. Tous les films de Delacroix, de la cérémonie jusqu'à Bloody Games, et aussi des photos du maître sur ses tournages, penchés sur une caméra, un combo, donnant des indications à un acteur. Il y avait quelques autres photos et affiches, It Follows, Shining, Kubrick, Cronenberg, Carpenter, Aja, mais Delacroix dominait largement les débats. Elle émit un sifflement. « Tu ne m'avais pas dit que tu étais aussi fan ?»« Delacroix est un dieu, » répondit-il le plus sérieusement du monde. Elle haussa un sourcil, Ronan Lefebvre sourit. Tu vois, nous avons plein de choses en commun. Il passa derrière le comptoir de la cuisine, ouvrit un tiroir. Elle l'entendit attraper un tire-bouchon et se mettre en devoir d'ouvrir la bouteille. Puis il trouva deux verres dans un placard et les remplit. Il lui tournait le dos. Elle ne voyait pas les verres. Elle se sentit un peu nerveuse quand il revint lui entendre un. « À une soirée inoubliable, » dit-il. Elle croisa son regard. Il lut quelque chose qui n'y était pas le matin même quand elle l'avait rencontré à la librairie. Il n'est pas du tout timide, en fin de compte. Elle prêta de nouveau l'oreille, mais il n'y avait pas un bruit en dehors de la rumeur très lointaine de la ville qui montait par la fenêtre entrouverte. « C'est drôlement calme, » dit-elle. Il sourit. « Je suis le seul occupant de l'immeuble et un des seuls de la cour avec une vieille dame très sourde en face. Il n'y a que des bureaux ici. C'est un endroit incroyablement paisible, et comme ça, les cris des films que je me passe ne dérangent personne. » Elle n'aima pas du tout la façon dont il avait prononcé cette dernière phrase, ni le sourire qui l'avait ponctué. « Les films d'horreur disent quelque chose sur ce que nous sommes, tu ne trouves pas ?» proposa-t-il en trinquant. « Sur nos tendances mortifères, sur nos cauchemars, ils interrogent notre peur de la violence, de la douleur, des ténèbres, des prédateurs, des monstres. Ils donnent à voir ce que nous préférerions ignorer. En réalité, il suffit de se scruter assez longuement dans un miroir pour savoir que l'horreur est en nous, qu'elle est là, qu'elle attend, qu'elle est nous. » « Si on s'asseyait, » dit-elle, « ou bien on va passer la soirée debout ?» Le sourire revint, sans atteindre les yeux cette fois encore. Il lui montra le canapé. Elle remarqua qu'il portait un sweat à l'effigie de Freddy Krueger, le célèbre tueur au chapeau, aux longues griffes et au visage brûlé qui hante Elm Street dans les griffes de la nuit. « Tu m'as l'air passablement nerveuse, » dit-il quand il se fut rassis. Nerveuse. Ce gamin était vraiment trop sûr de lui. Elle allait lui montrer qui était nerveux. « Tu as envie de voir quoi ?» demanda-t-il. « Un truc bien flippant, bien poisseux, ou alors de l'Elevated d'Aurore, un slasher, un vieux classique, ou un truc réaliste, dérangeant et morbide. Tu as déjà vu « I Spit on Your Grave » de Mers Archie, l'original de 1978 ? Kimo Stamboul, la reine de la magie noire, tu connais? Sinon, j'ai aussi des vieux trucs de Jacques Tourneur et de Todd Browning. » Il fouilla dans une pile de Blu-ray par terre à côté du canapé. « Et puis j'ai aussi ce petit film de 2014, Starry Eyes, avec cette actrice canadienne incroyable, Alex Esso. » Elle fit mine d'observer le boîtier. Elle surveillait chacun de ses gestes. Elle était sur ses gardes, mais elle n'avait pas peur. Pourquoi aurait-elle eu peur? C'était juste un étudiant qui adorait les films d'horreur et qui aimait avoir la trouille, à l'image de millions d'autres. Un étudiant qui la contemplait, certes, comme s'il préparait quelque chose, mais elle savait ce que c'était. Pas de quoi fouetter un chat. « Il y a des films qui nous possèdent, » dit-il d'une voix lente et profonde à côté d'elle. « On a le sentiment d'être encore vierge quand on les regarde. » D'être en quelque sorte violé. Il nous contamine. Il nous condamne à les revoir encore et encore, comme un tueur en série qui ne peut s'empêcher de chercher de nouvelles victimes pour commettre le même crime encore et encore, ajouta-t-il. Et ils finissent par faire partie de nous. Les films de Morbus de la Croissante, cela. Il avait posé une main sur le genou de Samira. Elle frissonna. Elle pouvait sentir la chaleur de ses doigts à travers le latex. Sa voix aussi avait gagné en intensité, en rossité à mesure qu'il parlait. Des films qui atteignent les recoins les plus sombres de notre esprit, qui réveillent en nous des choses interdites, des pulsions, des désirs jusqu'à en perdre le sommeil. Sa main remontait millimètre par millimètre, très lentement, avec un léger tremblement. Elle vit qu'il avait l'iris de plus en plus noir. « Tu aimes le sexe brutal ?» demanda-t-elle soudain. La main s'immobilisa. Oui. Et toi ? Oui, dit-elle d'une voix de gorge qui, elle le sut, le remuait jusqu'aux entrailles. La main de Ronan repartit à l'assaut. Ce vin a un goût bizarre, dit-elle. Je crois qu'il est bouchonné. Moi, je le trouve bon, dit-il en buvant une gorgée. Tu as des menottes ? Hein ? Quoi ? Non. Pourquoi ? Dommage. Des foulards, un truc pour m'attacher ? Tu aimes attacher tes partenaires ? Tu as envie de m'attacher ? Elle le fixa. Ronan Lefeuvre la dévisageait d'un air interrogateur, mais pas seulement. Il y avait quelque chose de nouveau dans son regard. « De me frapper ?» ajouta-t-elle. La voix de l'étudiant rappela le son d'une vieille scie rouillée sur un bois très dur quand il parla. « Tu as envie de ça ?» dit-il. « C'est ça qui t'excite ?» Elle vit que le noir avait mangé tout l'iris. Deux trous de ténèbres entre des paupières mi-closes, fripées par le manque de sommeil. À quoi passait-il ces nuits ? Sa pomme d'Adam montait et descendait. « Et toi, petit Ronan, ça t'excite ?»« Ouais, espèce de salope » gronda-t-il avec dans la voix une note différente, très basse. « Ouais, putain !» Samira sentit un nuage noir envahir son cerveau en entendant ce mot. Elle baissa les yeux et vit qu'il était excité, en effet. « Tu as déjà fait ça ?»« Ouais, ouais. Tu as envie de me baiser ?»« Oh putain, ouais, que j'en ai envie !»« Tu sais que baiser, ça signifie mourir dans les films d'horreur ?» glissa-t-elle. « Surtout quand on est un jeune homme ?» Il émit un petit rire sardonique, vicelard. Elle saisit la main droite de Lefeuvre et la posa sur son cou. Appuya dessus jusqu'à ce qu'il sente le pouls sous ses doigts. « Vas-y, serre !» Il le fit. La pression sur les carotides de Samira, son visage privé d'oxygène, la noirceur se répandit comme une flaque de pétrole dans le regard de Ronan Lefeuvre. Les ténèbres étaient en train de lui grignoter le cerveau. Brusquement, elle attrapa son poignet et le tordit, écartant violemment la main et le bras de l'étudiant de son cou en un geste inattendu. Il hurla de douleur. « Aïe, ça fait mal !»« Ah ouais ?»« Judith Janssen, ça te dit quelque chose » cracha-t-elle sans relâcher prise. Un mélange de stupéfaction et d'incompréhension passa dans le regard de l'étudiant. « Quoi ?»« Judith Janssen, tu l'as agressée ?» Il se dégagea d'une ruade, se leva d'un bond, recula d'un pas tout en lui faisant face. Elle le sentit. Il avait peur à présent. Qui es-tu ? Lança-t-il. Elle dégaina sa plaque. Elle vit ses traits s'affaisser comme si tous les muscles de son visage se relâchaient d'un coup. Encore cette histoire ! Gémit-il. Je n'ai rien fait, bordel ! Elle a menti, cette... Il ne dit pas le mot cette fois. Elle se leva à son tour. Elle le regarda froidement, droit dans les yeux. « Alors le moment est venu que tu me racontes ta version des faits, petit Ronan.